Palace, JP, whatnot, Alibi, Montana, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, ghetto réuni. C'est cette poudre de Montana. C'est la guerre, négro. C'est ce crack music. Queensbridge, 9-3, Rive-Sud, négro. On a ses pompes, pompes, on cherche un calico. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'augmenter mes importations de produits. Alors je contacte Alibi, Montana, dans le 9-3. On fait ça. Queensbridge, la connexion G3, why not? On a ce que tu recherches, why not? L'espion initié d'exception, je possède la clé, mes rituels d'une puissance inouïe que vous pouvez facilement mettre en application. Homme moderne, entité démoniaque, connaissance approfondie, j'engage des contacts secrets avec le Vatican. Le nouveau pacte noir, why not? Fais les assassinations pour l'archevêque, le roi des rois, l'ambassadeur du rap français. Queensbridge, sur le continent français, pour ses usagers, ça s'assoiffé, qui veulent planer. Why not et G3 et Alibi Montana, on a ce que tu recherches pour ta messe cérémonielle. Du crack aux pilules, on l'a. Fais ton choix, sors ton oseille et arrête de jacasser, fais vite, il y a les keufs qui surveillent. Yeah, they can't catch me in the crossfire, I move off key. Only fucking real niggas that surround me. No way you can ground me, I'm airborne, doubt me. I wind up in your hood with the Uzi, that real shit movie. What's happening in the ghetto, bear witness. Cause I'ma spread the word like it's going out of existence. It's new rap, all is true, so pay attention. There's a sign at the end of the times, it's right near. So we gotta unite, the government don't scare us. One day in the future, we all shall perish. I prepare for the worst, we strive for the best. Here in France, the best. Back to the US, relate to the public, it's a mob thing. I've been doing this for years, raised so many peers across the planet. My infamous life is so dead, got them cannons for any type drama. Come near from the bridge to the 9th, police can't find me. I stay with the grain, big twins beside me. Quand tu m'appelles pour l'attentat, t'appelles un fusil mitrailleur. Si t'as peur d'être blessé, mec, vas-y, mets-toi ailleurs. Alibi, when I eat, Montana, ça nique tout. Tu la vois du peuple, écouté par tous les voyous. Voyous, 24 pistes, terrifiant, terroriste. Tu conterreras, t'as ma parole, je sais pas s'il existe. Tu peux aller choisir une guerre, sinon t'auras toujours tort. Je n'ai rien à foutre, nous on est pères du Terminator. J'entendais-le, j'en ai 4000. J'ai pas le point avec une arme, ici nous on deal. Y'a la place pour mettre des armées, comme on le vit trop. 93, la caille à mort, dans les proches des Bastos. Connexion, la France, Queens, mec, Canada. Toujours plus de rafales, toujours ratatata. Connexion, la France, Queens, mec, Canada. Why not, G.O.D, Alibi, Montana. C'est cette poudre de Montana. C'est la guerre, négro. C'est ce crack music. Queensbridge, 9-3, Rive-Sud, négro. On a ses pompes, pompes, on cherche un calico. Crack music. C'est cette poudre de Montana. C'est la guerre, négro. C'est ce crack music. Queensbridge, 9-3, Rive-Sud, négro. On a ses pompes, pompes, on cherche un calico. Crack music. Le ghetto réuni.